À l'occasion de la Journée du Soleil, les diplomates chargés de la culture et de l'amitié de divers pays en Corée ont visité le Siskoron Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung.